Ça marche ? Ah oui. Bonjour. Mon nom est Dieu. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui se passe au fin fond du Far West. L'histoire d'une petite fille nommée Conforama. Une petite fille qui avait des pensées très spéciales. Je vois mes viscères. Ne serait-ce pas l'enfer? Petit Jésus, tu es là. C'est Dieu qui te dit salut. Écarte-les. Écrasez. Écarte-les. Écrasez. Écarte-les, écarte-les, écarte-les, écarte-les.